Elle est là, GG. Baisse un peu le son. Éteignez la radio derrière, s'il te plaît, GG. Et on y va, c'est parti. Qu'est-ce que t'as répondu à Goldo? Goldorak, de toute manière, t'es un enfoiré. Pourquoi? D'accord? Ben dis-moi tout, pourquoi? Pourquoi? Donc maintenant, tu vas faire une chose, tu vas te prier. Déjà une, de faire tes excuses auprès de Sandy, parce que Sandy, c'est pas ce que t'as été dit sur un instant sur l'antenne, mon pote. J'ai trouvé ça sur Internet. Hein, ouais, ben j'en ai rien à foutre. Dans ce cas-là, vous lui foutez la pelle à ce problème. Parce que si vous continuez à me faire chier, moi maintenant, je vais tous vous balancer aux flics. Vas-y, balance. Ouais, ben tu vas voir, Goldorak, dès demain, t'es aux flics. Je m'en fous, je suis armé. Ouais, t'es armé, pauvretage, va. Des fulgures, des rétro-lasers, t'inquiète. Ouais, t'as raison. Attends, tu vas voir si tu mets rétro des lasers 5e, là, comme tu dis. Non, mais faut faire. Non, mais si Goldorak, il a ses fulgures au poids, à mon avis, les flics, ils feront pas l'affaire, là. Faire, ouais, clair, mais t'inquiète pas, de toute manière, demain, je vais aux flics et je porte plainte comme quoi vous nous harcelez tous les deux, moi et Sandy. Non, mais sinon. Ils vont se marrer, les flics. quand j'ai essayé d'avoir ton numéro, mon pote, tu vas là, on va te faire chier. Il y a Alcor, il y a Vénusia, il y a tout le monde, hein. Vas-y, balance Captain Flamme, Albatros. Ouais, mais t'inquiète pas, de toute manière, vous allez pas me faire chier longtemps avec Sandy. D'accord? Non, mais c'est vrai, là, Goldorak! Ouais! Bon, quand même. Là, vous allez trop loin sur la vie privée des gens. Et quand est-ce que tu nous invites, GG, pour faire un petit débat en live avec. Ouais! Et quand est-ce que tu vas fermer ta gueule? Ouais! Quand est-ce que tu vas fermer ta gueule et que tu vas me foutre la paix? Jamais, jamais je t'inviterai chez moi et tu prendras toujours la porte dans ta gueule. Ouais. Mon portable, hein, j'arrête pas d'essayer de t'appeler. Mon portable, il t'emmerde. Ouais. C'est pareil. Ouais. D'accord. Voilà, là, il est en pleine forme, GG, ce soir. Un conseil que je te donne, Goldorak, et à tous les auditeurs qui ont l'habitude de marceler, je vous préviens d'une chose, arrêtez vos conneries parce que demain, c'est les flics pour tous. GG, ça fait 3 mois que tu goûtes le Beaujolais tous les jours, c'est pas bien, hein, c'est fini. Ouais, une couche de Beaujolais alors que j'ai pas bu depuis une semaine, espèce de con. Eh, il est nouveau au début, hein, pas pendant 10 mois, hein. Ouais, pendant 10 mois, espèce de con, et ta connerie, elle est nouveau depuis que t'es né. Oh là là là là. Ta mère, elle s'est cassé la gueule, hein. Oh là là, ça part dans tous les sens. Bon, Goldorak, yes. Ce soir, les deux débats donc de Gérard quand même vont porter sur... Ah oui, les astrozobies, c'est ça? Ouais, les astromobies, et ta connerie, tu ferais mieux d'écouter ce qu'on dit, espèce de con. Non, les astrozobies, c'est toi qui écoutes pas. Ouais, les astrozobies. Bon, Gérard, ça va porter sur quoi alors? L'astrologie et la musique. Bon, très bien, c'est en forme quand même ce soir? Ouais, bah oui. Il est remonté à bloc, le GG, hein. À part les conneries qu'on dit sur mon compte, mais sinon, ça peut aller. À part ça, c'est quand même la belle vie, dis donc, et oh. Non, mais quand on arrêtera de nous harceler, hein. Et tu pourras peut-être nous refaire. Tu pourras peut-être nous refaire des petits poèmes comme à la bonne époque, maintenant que t'es amoureux, genre un petit poème, genre câlin. Ouais, bah ça, on va pas ce soir. Si, ce soir. Ah non. Elle est en. Je voudrais te dire, je t'aime. Si, si. Toi, Goldorak. Quand je t'appellerai un pot de chambre, tu sortiras sous le lit ou tu iras voir ta mère, elle ira se faire sauter. Oh là là, violent quand même. Bon, Goldorak, bonne soirée, amuse-toi, parce que sinon on va rester pendant une heure à tourner sur la même chose. Vous mettez Goldorak en antenne, merci d'être plus. Gérard, toujours là? Ouais. Bon, alors GG, à tout à l'heure. Ok. D'ici 5-10 minutes. Ok, ça marche. Ok, à tout de suite. À toutes.